un peu les filles. Allez, où est-ce que... Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Apprendre ce nouveau pas. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7, RIGFM.fr, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose une petite rétrospective de cette saison 2022-2023. On va parcourir ces 26 émissions. Oui, 26 émissions, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On va recouvrir donc toutes ces émissions-là avec des exclusivités qu'on a eues en cours de cette émission, du genre des exclusivités Universal Music, avec par exemple le coffret de Johnny, par exemple avec des extraits du Parc des Princes qui est sorti la semaine dernière. Vous êtes allé au cinéma, j'espère. Hein. C'était superbe. En Dolby Atmos, c'était extra, vraiment extra. Et donc on aura, tout au long de cette émission, on va récapituler un peu tout ce qui s'est passé pendant cette année, aussi bien les albums studio que après les thématiques qu'on a pu parcourir tout au long de cette saison. Mais si on commençait tout de suite par l'émission de la rentrée de la saison 2022-2023, ouais, je suis déjà en avance. C'était le mercredi 7 septembre 2022 avec le live du premier mercredi du mois. Actualité oblige, on parlait du coffret collector Bercy qui sortirait le 2 décembre 2022 et on avait visité tous ensemble, hein, les Bercy 87, 90, 92, 95, 2003 et 2006 et avec quelques perles des premières en bootlegs. Ce soir, je vous propose pas en premier titre un bootlegs, mais on va écouter Johnny Hallyday à Bercy en 2006 avec ce titre L'envie, extrait donc du Flashback Tour. Bonne émission à toutes et à tous. Bonne écoute. Donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est là et est secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et comment faire maintenant pour aimer à des femmes? On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses. qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Complète de l'envie, l'envie d'avoir envie et qu'on allume ma vie. On me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Ah, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui. Oubliez-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et merci. Où est toutes ces choses qui avaient un prix et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Comme elle veut l'envie, l'envie de l'envie et comme elle veut ma vie. Mercredi 21 septembre 2022, je vous présentais l'album de la semaine qui était sorti le 29 mai 1974, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec toutes les chansons qui étaient écrites par Michel Mallory. Et je vous avais également diffusé quelques extraits de la tournée nord-américaine de 2014. Voici un extrait pour cette émission, vu que c'est un récapitulatif, une rétrospective. Voici le titre, Prends ma vie, extrait de l'album, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je n'ai jamais mis les pieds dans une église. Je ne sais pas prier. Des prières, on ne m'en a jamais apprises. Jamais. Ne vaut rien. sont salis par tous les péchés de la vie. Et rien qui ne se gonde tourne tes yeux vers ta misérable prière. Oh, je l'aime, oh Dieu, que je l'aime. Émission 497, c'était le 5 octobre 2022, et on découvrait lors de cette émission les meilleurs bootlegs des années 70, en qualité sonore évidemment, hein, les meilleurs bootlegs en qualité sonore, que ce soit bootlegs radio, prise de console, ou à la rigueur documents amateurs. On va écouter Nadine donc, extrait donc de Radio RMC en 1975, c'était à Narbonne, et c'était le 27 juillet. On écoute ça tout de suite, sur antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Là, à part 3-4 chanteuses devant, là, qui sont formidables, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, à part 15 personnes qui se trouvent devant, il y en a 30 000 qui ne savent pas chanter. Je suis très déçu. Ou alors, vous ne savez pas chanter, ou alors, vous ne voulez pas chanter avec moi. Est-ce que vous avez envie de chanter avec moi? Peut-être qu'un jour on aura ce fameux concert de Narbonne le 27 juillet 1975 dans la collection Johnny Archive Live. C'était un concert que j'avais soumis auprès de Xavier Perrault, mais évidemment ils n'avaient pas encore les autorisations avec RMC. RMC qui apparemment aurait des tas d'archives, et donc après c'est à voir avec ça. Il faut aller voir, il faut aller voir sur place où est-ce qu'ils en sont de leurs archives, s'ils ont bien ça ou autre chose encore sur Johnny. La parenthèse est fermée. Pour l'émission suivante qui était émise le mercredi 12 octobre 2022, je vais vous présenter l'album de la semaine « Ça ne finira jamais » qui était sorti le 27 octobre 2008 et en complément aussi l'émission de France 2 sur Johnny Hallyday diffusée le 13 décembre 2008 « Ça ne finira jamais » également. Je vous propose d'écouter le duo Justin et Johnny Hallyday, c'est le titre « Les Enchaînés ». Lonely time. Nous voguons enchaînés. In time. Jo Stone est une chanteuse que j'aime beaucoup et je lui ai demandé de faire ce duo avec moi parce que j'avais besoin de quelqu'un qui chante d'une façon différente d'une grande chanteuse à voix, et elle avait ce timbre que je voulais retrouver un petit peu à la Janis Joplin, donc Jo Stone était tout à fait parfaite pour faire ça. Voilà. Et on le retrouve donc sur l'album « Ça ne finira jamais ». Émission 499, c'était le 19 octobre 2022. Je vais vous présenter la thématique « Johnny à la radio ». Il y avait deux émissions de radio présentées par Patrick Sabatier. La première sur RMC, l'émission « Croque Musique » du 11 août 1980 pour la promotion de l'album « À partir de maintenant ». Et la deuxième émission était sur RTL en 1982. Johnny présentait son dernier album en date « Quelque part en aigle ». Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview qui était diffusé sur RMC Croque Musique du 11 août 80. Johnny, ben, il arrive dans l'émission et il est pas très bien réveillé, on va dire. Ouais, il est tôt, hein, pour un. C'est tôt pour vous, ça? Comment? Il y a combien de temps que vous êtes réveillé? Oui. Ça va? Vous avez répété avant? Non, on n'a rien répété du tout. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Alors, on fait comme d'habitude, alors. Comme d'habitude, ouais, on improvise. Combien de temps je suis réveillé? Ça fait combien de temps que je suis réveillé? Ben, j'ai été réveillé très tôt, ce matin. Ah bon? Oui. Vous avez chanté hier soir? Hier soir, on a chanté à Arles. Oui. Ce soir... Puis ce matin, j'ai été réveillé très tôt. Par Radio Monte Carlo? Non, j'ai été réveillé par des parents. Parce que je me suis trouvé... Les parents sont venus ce matin en me disant « Il y a notre fille, vous comprenez, elle est mineure, et puis il y a Johnny Hallyday qui est là, alors on vient voir s'il n'est pas là. » Ben non. Elle n'y était pas. Bravo, Johnny. J'ai failli pas dur, hein, on a pu le prendre. Hein. On a eu très peur, vous savez, la semaine dernière, parce que bon, depuis quelques jours, on annonçait que vous alliez venir à cette émission, et puis alors vendredi, on a lu dans les journaux que vous avez eu un petit problème, puis là, je vois qu'apparemment, il ne vous reste rien si, du tout. Si, j'ai eu un très gros problème. Un gros problème ? Faut pas que j'ai l'air malade. Pas tellement, hein. Faut pas que j'ai l'air très malade. Non, je suis pas malade. Alors Johnny, je vous explique, vous qui nous écoutez. Johnny vient de s'en aller, là, il boitille, mais... Non, c'est du gag. Je peux partir, non, il reste avec je suis malade, si je suis malade, je peux partir. Il n'a pas de certificat. Bon, non, je serai malade plus tard. Il reste avec nous. Je suis malade. C'est vrai que en 20 ans de carrière, vous n'avez jamais été malade. Et non, il n'y a que la main qui le dit. Et encore, il le chante, mais c'est peut-être pas vrai. Non, il n'est jamais malade, lui, en costaud comme il est. Vous l'avez vu, la main, cet été? Qui? La main. Non. Vous avez l'occasion d'aller l'applaudir? Non, et vous? Bah oui. Est-ce que vous avez l'occasion d'aller voir? Non, il a bien la main, attention. C'est vrai? Oui. Il fait partie de... Surtout depuis qu'il chante les chansons de Noël. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Alors parce que je trouve que c'est bien. C'est enfin, quelqu'un qui chante les chansons de Noël, c'est formidable. Personne n'avait osé... Personne ne les chante. Alors, comme Brel n'est pas là et que pour moi, c'est pas le meilleur chanteur, enfin, c'est le meilleur compositeur qui entend. Encore un Belge, une fois, hein. Mais ceci dit, j'ai une énorme affection et une grande tendresse pour Jacques Brel et je déplore que malheureusement on ne pourra plus jamais l'entendre. Et puis bon, bah. Vous l'avez bien connu. C'est bien d'entendre les autres chanter Brel parce que des fois on a tendance à l'oublier un peu et puis c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas oublier. Johnny, vous avez tourné un film avec Brel? Dirigé par Lelouch. J'ai fait sa figuration, oui. En figuration, quand même pas, non. Non, il a tourné un film avec Lelouch, et puis moi, bon, j'ai fait un petit truc dans un film. Il vous en donne l'importance, disons que je l'ai fait surtout parce que ça m'amusait beaucoup, et puis que, bon, ça me permettait d'être avec des gens que j'aime, tels que Lelouch, etc. Quand on lit des interviews de vous, quand on vous écoute parler, souvent vous répétez ça, j'aime bien être avec des gens que j'aime. Ben oui, parce que vous savez, je vais vous dire pourquoi, parce que, bon, il y a 12 mois dans une année, c'est ça, hein. Bon, ça va, je suis à peu près instruit. Donc, c'est combien, 365 jours, c'est ça? Ça dépend des années. Ça dépend des années, bon. Oui. Et je trouve que sur 12 mois, on travaille à peu près 6 ou 7 mois en tournée. Le reste du temps, on fait des disques. Et puis, quand on a un peu de temps, on part en vacances. On va draguer. Et puis, bon, bah, c'est vrai, ça arrive à tout le monde, non? Lancez-moi la pierre, vous, là. Et puis, avec tout ce qu'on a à faire dans une année, on a tellement peu de temps à passer avec des gens qu'on aime vraiment bien, des gens avec qui on a envie d'être, et on passe tellement de temps avec des gens dont on s'en fout, finalement, que finalement, moi, j'ai décidé de ne plus passer mon temps avec des gens que pas que j'aime pas, mais que je m'en fous. Je préfère passer, les peu de moments rares que j'ai, je préfère les passer avec des gens que j'aime bien. Et ils sont nombreux, ces gens-là? Ben non, mais non. Non, mais je préfère passer 2 soirées avec eux qu'une avec l'un. Et... Ouais. Et il faut dire que quand on s'appelle Johnny Hallyday, c'est peut-être difficile d'avoir des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment et pas pour ce que vous représentez. C'est peut-être le même personnage d'ailleurs. Vous savez, on est tous sortis du ventre d'une maman. Non? Alors bon, ben, il arrive à certains d'être plus connus que d'autres. Et puis bon, mais ça ne change rien finalement. Hein, tout ça, on est tous des hommes ou des femmes. Johnny Hallyday, oui, qui n'était pas très très très clair non plus, il y avait des restes de la veille, voilà. Le mercredi 26 octobre 2022, c'était quoi? C'était quoi? Souvenez-vous, c'était la 500e émission de radio de Johnny de A à Z et en exclusivité érigée et avec l'autorisation de Universal France. C'était la présentation du coffret Bercy avec 4 captations inédites, mixées et masterisées, donc version 2022. Avec la participation donc de Jean-François Chenu, hein, consultant catalogue Johnny chez Universal, Xavier Perrault, chef de projet bac catalogue Universal, et Jean-Étienne Louz et Geoffroy Doptin, qui sont les ingénieurs du son du studio Turnhouse. Je vais vous présenter lors de cette émission 23 extraits du coffret, en exclusivité bien sûr. Voici un extrait de ce coffret Bercy. On retrouve Johnny Hallyday en 1990, le 29 septembre exactement. On va retrouver Johnny Hallyday qui va chanter Gabriel et après interpréter une petite impro sur Heartbreak Hotel. Vous écoutez Johnny Hallyday dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, c'est la dernière émission de la saison 2022-2023. Refusé. note dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Oui, je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Moi, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. À celui qui veut m'enflammer. Les ans de chaîne sont vers le jour. C'était ma peine, pas ça de l'amour. Ouais, j'ai refusé. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud! Il fait chaud ce samedi soir. Well, it's Saturday night and I just got paid. I'm trying to save money. Jenny, Jenny, Jenny, won't you go along? Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, plus tard, ça. Since my baby left me, I find a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street 2, I wait to tell the official. Non, plus tard, plus tard, tout ça. On a le temps, vous n'êtes pas pressé. Ce soir, on a tout notre temps. Ouais. C'est presque comme un mercredi soir. Un mercredi soir sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM. L'émission 501, c'est une émission sur l'album de la semaine Hamlet. Alors, en plein enregistrement du futur album C'est la vie, le 3 février 1977, Johnny est invité à Tours au lycée Grandmont pour parler autour de Shakespeare. Son dernier album est un opéra rock nommé Hamlet et RTL, comme à son habitude, s'investit et une émission surprise est organisée. Johnny devient prof. Et était diffusée dans cette émission l'intégralité de cette émission du dimanche 6 février sur RTL à 21h et des extraits du premier double album de Johnny Hallyday d'Hamlet. Voici un extrait donc du JT où on parle de Johnny à Tours dans ce lycée Grammont et en même temps on aura un titre de l'album Hamlet, Le Vieux Roi est mort. Johnny Hallyday est devenu professeur de lettres. Une situation surprenante pour les fans du chanteur, mais une situation provisoire. Nos confrères de RTL ont eu en effet l'idée de conduire Johnny Hallyday dans un lycée à Tours. Thème du cours de Johnny, Hamlet, celui de Shakespeare, mais aussi celui de Hallyday. Un reportage d'Alain Véverine. Le thème d'Hamlet. Eh bien, ce serait un peu rapide et un peu facile de répondre parce que je me suis reconnu dans le personnage. Mais surtout parce que j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant et à l'époque, je voulais faire quelque chose d'un peu différent que d'enregistrer, par exemple, 12 chansons pour un album. Avec Je t'aime, tu m'aimes, tu me quittes, je te quitte. Bon. Alors j'ai choisi Hamlet parce que c'est. Parce que le personnage, je l'ai trouvé. Humain. Que finalement, Hamlet a. Aurait pu se passer aujourd'hui. Je veux dire. C'est une histoire qui ne se démode pas. C'est un problème, je veux dire, actuel, de tous les jours. On vit avec le doute. On doute de quelqu'un qu'on aime, on doute de l'amour, on doute de l'avenir, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et je crois que finalement, l'histoire d'Hamlet, dans un contexte un peu différent et une autre époque, avait à peu près les mêmes problèmes qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et au milieu, il y a le doudou. To be or not to be, to be or not to be, to be or not to be. Il se demande, il se pose le problème de tuer le roi ou de se suicider lui-même. C'est-à-dire, il se dit être ou ne pas être, est-ce que je tue le roi ou est-ce que je me tue moi? Oui, en partie, mais enfin, je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça, quand même. Parce que ça, c'est un peu, je veux dire, c'est un petit peu le résumé en gros. Mais je veux dire, c'est quand même plus profond que ça. Ce que vous avez fait, ça ressemble étonnamment à ce que je préconise personnellement depuis très longtemps, c'est-à-dire à un éclatement, à un foisonnement à la vie. Vous avez montré que la vie peut entrer dans l'école, et en ça, je vous en remercie. Moi, je pense que, finalement, en France, les jeunes sont pas si comme ça, et que ils méritent qu'on s'approfondisse plus sur leurs problèmes, parce qu'ils sont intelligents, et ils ne demandent qu'une chose, c'est à se cultiver. Il faut peut-être simplement leur donner envie de se cultiver. Le vieux roi est mort depuis moins d'un mois. L'herbe sur sa tombe ne pousse encore pas. Que femme, la femme n'est que chienne, un bâtard l'enflamme. Casse-toi, ma voix. Toi, mon cœur, mon amour, tais-toi. Pleure à l'intérieur. Il a mis du blanc sur la reine en noir. Nous deux on dit oui. C'est mal, c'est mal, oui c'est mal, c'est mal. Et ça...

lointains souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Bravo, plaisir à mon guitariste aussi. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de la Z qui finit sa saison 2022-2023. Oui, mais on vous inquiétez pas, on se retrouve le 6 septembre 2023 pour une nouvelle saison de Johnny de la Z ici sur RIG. Ça ne changera pas, on se retrouvera tous les mercredis, enfin du moins aussi souvent que je pourrai. Nous sommes à présent à la 504e émission radio du 14 décembre 2022 et je vais vous présenter les sorties live 2018-2000 jusqu'à 2022 et depuis la disparition Junaïdé, les maisons de disques Universal et Warner Music nous ont sorti pas moins de 34 albums live inédits ou alternatifs de l'année 2018 à l'année 2022. Je vous propose d'écouter en extrait le concert de Cambrai du 4 septembre 1970 et le titre « J'ai peur, je t'aime ». 21 décembre 2022, je vous présentais une rétrospective de l'année 2022 et on parcourait les 29 émissions de l'année 2022. On passera pas d'extrait, bien entendu, puisque ce soir, c'est la rétrospective de la saison 2022-2023. L'émission 506 était l'émission datant du 11 janvier 2023 et je vous présentais l'émission sur la thématique Champs-Élysées. De 1982 à 2012, Johnny Hallyday a régulièrement été invité dans l'émission animée par Michel Drucker et l'occasion pour les deux hommes de s'amuser et de nouer une grande complicité à chaque tournage. Voici un extrait, Johnny Hallyday, Michel Drucker et un invité, Eddie Mitchell. C'était lors du Champs-Élysées du 15 octobre 1983. Nous allons maintenant retrouver Johnny avec peut-être un de ses meilleurs amis. Finalement, ils font un petit peu équipe, leurs chemins sont un peu parallèles, ils se connaissent depuis très longtemps et ils sont toujours au top après plus de 22 ou 23 ans de carrière. Ils vont évoquer leurs souvenirs, c'est une chanson d'Eddie Mitchell, Mes 16 ans et le bar du Calypso, le square de la Trinité, c'était hier ou avant-hier. Johnny, Eddie Mitchell. On a vu passer les stars du quartier, mais ils ont rêvé tellement, tellement éveillés. Le hasard, la magie les a réalisés. Jacques Dutronc ne pensait pas encore à Hardy. C'est vrai. L'homme Christ confondait diligence et taxi. Claude Moine Dichepol ignorait tout de dire. Un certain Jean-Philippe attendait son genou. Mais ses ans brûlent encore dans mes souvenirs, des clichés qui n'arrivent pas à mourir. Bill Allen était déjà plus jeune le premier. L'arrivée d'après l'avait détrôné. Vincent pleurait en chantant Baby Baby Blue. Ah, on aimait tout ça et passait pour les fous. Yeah! Lors de l'émission 507 du 18 janvier 2023, était présenté l'album de la semaine Johnny Chantalidé. Il est sorti en 1965 et comme son nom l'indique, cet album ne contient que des titres originaux qu'il a composés, que Johnny a composés lui-même et pour la plupart lors de sa retraite forcée à Offenburg. Plus tard considéré par les fans comme un album mythique, Johnny Chantalidé n'en est pas moins un échec commercial à sa sortie. Il s'écoulera péniblement à 80 000 exemplaires seulement contre 400 000 pour la plupart des albums parus avant son départ à l'armée. Et du 25 novembre au 26 décembre 1965, le voici pour la quatrième fois à l'Olympia. Johnny Hallyday n'en est pas moins inquiet pour son avenir. Un changement de cap lui semble impératif à l'heure où le paysage musical international subit l'influence britannique. Pour reprendre son expression, il doit resserrer les boulons. Voici un extrait de cet album de la semaine, Johnny Chantalidé. Voici le titre « Tu as de la chance ». Écoute bien, souviens-toi bien, tout est fini. Tu as de la chance, ah, vraiment de la chance. Ah, tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Tu m'as roulé, tu t'es moqué. Bravo, c'est ton droit, les fils, c'est comme ça. Tu as de la chance, ah, vraiment de la chance. Ah, tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Le mercredi 25 janvier 2023, je vous présentais l'émission 508 avec l'album de la semaine En pièces détachées qui était sorti le 30 janvier 1981. On peut parler ici d'un album concept où l'on tourne en spirale autour d'un même thème, celui du désespoir qui fait suite à un chagrin d'amour, et aussi les différentes échappatoires pour s'étourdir, pour tenter d'en guérir. Les textes d'inspiration plus ou moins biographiques sont majoritairement l'œuvre de Michel Mallory. Voici en extrait La nuit crie au secours. Quand la nuit crie au secours, qui pourrait l'écouter? Son cœur bat comme un sourd, mais personne ne le sait. Une fille passe dans le noir, belle et fragile. Elle sait bien que tout espoir est inutile. Je voudrais maudire tous ceux qui ne l'ont pas aimé. Ceux qui ne l'ont pas aimé. Oui, je voudrais lui dire ce que nul ne dit. Le temps passe et la nuit meurt avec le petit jour. Au matin, il y a toujours une fille qui pleure. Elle attendra jusqu'au soir pour revenir. La nuit est seule à pouvoir la retenir. Je voudrais mentir tous ceux qui ne l'ont pas aimé. Ce soir, je vous présente une rétrospective de la saison 2022-2023 sur l'antenne de RIG de l'émission Johnny de A à Z. Et pour l'émission 509, je vais vous présenter le live du mois. C'était le 1er février, donc. Et en thématique, des titres interprétés lors d'une ou de deux tournées de 1962 à 2015. Et en extrait, voici une Rendez-vous en Enfer. Et oui, ce titre-là, oui, n'a été interprété que lors de 1976. Au Palais des Sports de Paris, ainsi que pendant la tournée. Professeur assis sur sa morale, qui prenait tant plaisir à frapper sur mes mains, qui me laissait debout le nez vers la muraille, parce que mes yeux d'enfant faisaient baisser les tiens. Et toi, mon adjutant le plus bêteux des hommes, qui nous faisait crever à rentrer dans la boue, pour qu'on ne soit plus rien, qu'on ne soit plus personne, rien que des numéros pour faire de nous des loups. J'ai de deux pour ça. En enfer, je te donne pour ça un rendez-vous. En enfer, je toi mon faux ami que j'aimais comme un frère. Ton baiser de Judas me brûle encore la joue. Tu m'as volé l'espoir, tu m'as appris la haine. Tu m'as trahi pour rien, mais l'enfer est à nous. Et toi la fille de feu qui a vendu mon âme, qui a volé mon cœur et troublé ma raison, et qui m'a fait verser ce que j'avais de larmes. En trahissant l'amour, tu as salé mon nom. La semaine suivante, mercredi 8 février, je vous présentais l'album de la semaine Country Folk Rock qui était sorti le 28 juin 1972 et cet album marquera l'entrée fracassante de Michel Mallory dans l'univers Hallyday puisqu'il signera 4 des 12 titres de l'album. Les chansons seront Ma main au feu, Hello USA, Joe la ville et moi et Sauvez-moi. Mais ce n'est pas un titre de Michel Mallory qu'on va écouter, ça sera le titre Viens le soleil. La vie en détresse, se perd dans la nuit. Surtout ne crois pas qu'elle est finie. Dépense tes larmes, un jour tu riras. N'aie pas de peine pour ce que tu n'as pas. Il y a le soleil et la neige au fond. Si tu oublies même ce que tu savais bien, il n'y a que le vrai pour te faire du bien. Si t'es seul et triste, vois tes amis, ouvre-leur ton cœur, tu seras compris. Il y a le soleil et la neige au fond. Tu ne crois en rien. On a chacun son tour. Trouver son Émission 511, le mercredi 15 février 2023. Je vous présentais l'album de la semaine, L'Attente. Johnny est de retour dans les bacs le 12 novembre 2012. Et avec L'Attente, entre balade et guitare saturée, le rocker mythique a décidé de revenir aux fondamentaux. Un album qui tombe à pic pour lancer la tournée d'automne du chanteur, affaibli par des soucis de santé cet été-là, mais dont la voix reste intacte. Avec des extraits de l'émission Podcast 51, présenté par Francis Chaillet et Jean-François Chenu, qui nous racontait l'histoire de l'album réalisé dans un contexte assez compliqué. On va écouter donc Jean-François Chenu, qui vient de parler un peu des circonstances, comment a été fait, produit l'album, et on écoutera le titre « Refaire l'histoire ». Après avoir bien réfléchi, bien travaillé, les chansons ont été choisies. Les mises en place musicales se font à Bruxelles. Johnny supervise tout ça à distance. Voilà, c'est ça, exact. Donne son accord, valide, etc. Et se retrouve donc au mois d'août à Saint-Barth, où il est censé faire des voix. Voilà. Donc à l'hôtel. Eden Rock, dans la villa qui est dans l'hôtel Eden Rock. Incroyable. Toute l'équipe débarque à Saint-Barth, Bertrand Lamblot, Cassin et tout ça. Jusque-là, c'est pas mal. Le contexte est pas mal. Bah, tu te dis, tout va bien, sauf que c'est un Johnny qui est très fatigué, qui les accueille, qui est pas en forme, et qui va avoir quelques pépins de santé. Il va falloir l'hospitaliser, et il va être rapatrié à Los Angeles. Donc, les voix, il pourra en faire une seule, il fera une voix à Saint-Barth, c'est L'Attente, qui sera le titre éponyme de l'album et qui sera sorti en single. Il a des problèmes cardiaques, pulmonaires, il est rapatrié à LA, et là, c'est le début de la panique, parce que tout est prévu. Ouais. Quand tu sors un album de Johnny Hallyday, tu as un plan marketing qui est prévu, tu as toute une machine de fabrication et autres, c'est une course contre la montre. Ouais. Alors, on a déjà connu ça dans un épisode que j'ai raconté sur Destination Vegas, et là, c'est le même film qui se déroule. Donc, ils sont à Saint-Barth, Johnny est à LA, il y a une voix de fête, des musiciens ont enregistré à Bruxelles, et il a été prévu de faire venir Brian Ray, guitariste de Johnny, pour qu'il rajoute des overdubs, des morceaux de guitare à l'album. Bon, Brian Ray débarque, il arrive aussi à Saint-Barth, dans ce contexte tout à fait étonnant. Et là, Johnny est reparti à LA, oui. Mais ça n'empêche pas qu'il pourrait travailler. Oui, il pourrait travailler. Bien sûr. Et en fait, il y a deux sociétés qui sont pourtant des transporteurs de renom, UPS et FedEx, qui vont rivaliser toutes les deux pour manquer à tous leurs devoirs. Et le matériel de Brian Ray n'est jamais arrivé à Saint-Barth. C'est-à-dire que les guitares et tout ça qu'il a fait venir par ses transporteurs n'arrivent pas à Saint-Barth. Donc là c'est à nouveau un peu la panique. Ah oui, et donc ils sont à Saint-Barth, Brian Ray, Lamblot, et un soir, donc ils sont en train de dîner, il y a un type qui débarque et qui leur dit venez voir. Donc ils quittent le dîner, toute l'équipe se barre et ils arrivent dans une villa où ils sont accueillis par un mec qui est complètement défoncé. Il doit avoir 5 grammes, qui les accueille. Quelle est la promesse, en fait Alors, la promesse, tu vas la découvrir, parce qu'en fait, il finit par ouvrir une porte, et derrière cette porte, 20 guitares, des amplis, un matériel incroyable. Voilà, donc, quelqu'un qui avait eu vent de cette affaire, qui avait été donc chercher Brian Ray et Lamblot, tout ça, pour qu'il voit ce matériel, sauf que le type qui possède ce matériel, il était un peu particulier. Enfin, bon, bref. En tout cas, à partir de là, Brian Ray va pouvoir faire quelques sons de guitare et rajouter. On ose imaginer dans quel état sont les producteurs et tous ceux qui réalisent ce disque. La vie, la mort, l'amour, encore, jamais lui. Le plus fort. Vivre sans toi, chacun pour soi, à l'ombre de ses pas. Je rêve encore. Le soir en fermant les yeux, je veux. Encore une de l'existence. Ennemi, allié, premier ou dernier, continuez d'avancer. La situation, donc, elle est hyper tendue, les délais se raccourcissent. Mon ex-stagiaire que j'avais retrouvé, Antoine Gouif, oui. Qui est directeur du marketing, doit se faire des cheveux blancs pour son plan marketing. Enfin, arrive un signal de Los Angeles, Johnny est sorti de l'hôpital, et donc il va pouvoir faire ses voix. L'équipe quitte Saint-Barth, rapplique à Los Angeles, Johnny est pas quand même en grande forme, mais bon, il les accueille et il va, tant bien que mal, poser ses voix dans un studio qui est un studio à Santa Monica, le Village Recorder, a été réservé à cet effet. Alors, les bases musicales sont en boîte, Johnny fait ses voix, les cordes sont enregistrées à Paris, au studio Davou, et donc sont supervisées à distance par vidéo. Ça ne doit pas être ce qui est le plus facile. Et évidemment, quand tu enregistres tout ça, bah, il faut mixer. Et là, pour le mixage, ils ne sont pas au bout de leurs aventures. Au départ, celui qui devait mixer, il s'appelle Ryan Freeland. C'est un type génial. C'est celui qui a mixé le dernier album de Michel Polnareff. Ouais. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un vrai génie. Sauf qu'avec les retards pris, les délais, il ne va pas pouvoir aller au bout de son mixage. Il va mixer 4 titres, dont L'Attente. Heureusement, sur place, il y a quelqu'un avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui est Bob Clairmontaine. Ils font appel à Bob Clairmontaine. Et là, où tout est miraculeux. En général, Bob Clairmontaine, Bertrand me disait, il lui faut 2-3 heures pour mixer un titre. Là, compte tenu des délais et tout, il faut aller plus vite. Et il réussit en 40 minutes à mixer la chanson 20 ans. Là où il lui faut 2-3 heures, il le mixe en 40 minutes. Et Bertrand me racontait, il reçoit un coup de téléphone 40 minutes après de Clairmontaine, qui dit, venez, j'ai terminé. Donc ils débarquent, ils vont là-bas, ils écoutent le mix et effectivement, ça fonctionne. On vous invite évidemment à réécouter tous les podcasts de la saison 2022-2023. Hein. Si vous ne savez pas quoi faire cet été, n'hésitez pas à aller piocher quelques podcasts Johnny de A à Z. Autrement aussi, pour cette histoire-là, pour connaître la suite, comment s'est déroulée l'histoire de cet album. Nous revenons à l'émission 512 qui a été diffusée le 22 février 2023 avec l'album de la semaine 100%, qui était le 42e album studio de Johnny Hallyday et qui était sorti le 13 septembre 1999. L'album est composé par David Hallyday, hein, également co-réalisateur avec Pierre Giaconelli. Et 100% est resté comme le plus grand succès public de Johnny Hallyday. Le texte de François Sagan, Quelques cris, a servi de révélateur au projet des deux générations Hallyday. Et comme disait Johnny, on ne pouvait pas lui associer n'importe qui. Au final, seront retenues les contributions de Philippe Labreau, Lionel Florence, Pierre Grillet, Zazie, Vincent Ravelec, Éric Chemouni, Miossec et le retour aussi de Michel Mallory, dont la dernière chanson pour Johnny remontait à 1982. C'est le titre « Vivre pour le meilleur » que je propose en extrait, en rétrospective de cette émission. En résumé, c'est préféré. Puisque c'est la rétrospective de la saison 2022-2023. Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, et femmes qui pleurent leurs enfants mais restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font pour l'émission 513, diffusée le mercredi 1er mars 2023. Évidemment, qui dit premier mercredi du mois, dit Johnny Hallyday en live. Et je vous proposais en live la thématique les medleys. Johnny chante des medleys dans ses concerts depuis 1962, en Lausanne par exemple, ou à l'Olympia. 3 ans plus tard, à nouveau à l'Olympia, lors du Musicorama d'Europe 1. Puis, en 1969, viennent les medleys rock'n'roll. Et en 1976, le medley rhythm and soul et un medley début 60s. Et les medleys seront mis de côté pendant une dizaine d'années, de 87 jusqu'en 93, où, pour les 50 ans du chanteur, ce dernier nous présentera 3 superbes medleys pendant ses plus de 3 heures de show. Et les medleys rock'n'roll et rhythm and soul agrémenteront régulièrement les shows de Johnny jusqu'en 2009. À noter, un medley télévision en 2011, joué aussi en 2012 sur les plateaux de télévision. Ça, je l'ai dit. Et on va retrouver tout de suite le medley que Johnny avait chanté à la Tour Eiffel le 10 juin 2000 avec les titres Noir c'est noir jusqu'à minuit, Si j'étais un charpentier et joue pas de rock'n'roll pour moi. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit dans l'émission Johnny de A à Z. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au cri de l'ennui et je te crie oh oh oh oui. Je ferai tout pour sauver notre amour, oui, tout jusqu'au bout. Si un mot tout changeait, tu cries, j'en vais plus dans ma vie, oh non, ça me rend fou, perdre dans l'amour que c'est la vue. Et maintenant, pour le sommet, je suis prêt. Jusqu'à minuit, ça n'a pas toute ma vie. Je t'attendrai là jusqu'à minuit, au maximum, mais après tant pis. Et les secondes font la ronde, quand j'attends. Le barman abruti qui me raconte toute sa vie. Et lui seul, il me donne un petit mot où je lis que tout est fini. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, faudrait-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Tu dois être forte, mais quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Tu as au fond des yeux un peu de ton enfance, et ton regard est déjà rempli d'insolence. Et c'est toi, c'est la carte, oui pour moi. Tes dents de lait sont devenues des dents de loup, pour mordre dans la vie et le creux de mon cou. 17 ans, c'est d'accord, oui d'accord pour moi. Oui, ta bouche est un fémur que j'aimerais bien croquer. Tes lèvres ont le goût du miel et ta peau est sucrée. Tu as plein de pêche, tu es pêché comme l'eau. Qui roule, qui coule, qui caresse ma peau. Tu as faim de désir et soif d'expérience, mais quand tu marches, tu roules déjà des hanches. Et c'est temps, c'est l'accord, oui, oui pour moi. C'est un fémur que j'aimerais bien croquer. Tes lèvres ont le goût du miel et ta peau est sucrée. Tu as un teint de pêche, tu es fraîche comme l'eau. Qui roule, qui coule, qui caresse ma peau. Tu as au fond des yeux un peu ton enfance, et ton regard est déjà rempli d'impatience. Il s'étend, c'est d'accord, oh, oui pour moi. C'est d'accord, oui d'accord pour moi. Oh, oui, 17 ans. C'est d'accord, oui d'accord pour moi. Oui, oui, 17 ans. C'est d'accord, oui d'accord pour moi. Oh, oui, oui, 17 ans. Oh, c'est d'accord. L'émission 517, qui était le 22 mars 2023, était sous la thématique « Les singles ». Voici un panel des singles de Johnny Hallyday n'ayant jamais été édités sur un album studio. Et là, on va partir sur un titre de 1977, qui est la face B du Cœur en deux, qui lui non plus n'a jamais figuré sur un album de Johnny Hallyday. Voici « Il neige sur Nashville ». « me suis réveillé un matin à côté d'elle. Dans une maison en bois, en dehors de la ville. Le feu était mort dans la cheminée. J'ai commencé à écrire cette chanson. Et il neige sur Nashville. Il neige sur Nashville. Nous sommes sortis très tôt. Nous avons marché très loin. Sur ce qui devait être une ancienne voie ferrée. Dans le quartier où les noirs montrent le poing, où les chiens nombreux cherchent à manger. Chose a changé dans son regard. Elle a noué autour mon cou son foulard. Il était noir, la couleur de mon chapeau. Je sais déjà, je ne vais plus la revoir. Dans l'avion, là-haut dans le ciel. Je voudrais juste savoir si elle pense à moi, comme moi je pense encore à elle. Émission 516 qui était diffusée le mercredi 5 avril 2023. Qui dit premier mercredi du mois dit évidemment Johnny Hallyday en live avec une thématique, des extraits de concerts, de passages télé ou de radio peut-être oubliés par le temps. Il y avait du genre les Francofolies, le grand studio RTL, le mini concert de la Nation en 1991 et puis aussi cet extrait-là, Taratata. C'était le 23 décembre 1994. Souvenez-vous de la chanson I Wanna Make Love to You. Vous écoutez Johnny de A à Z, ici sur l'antenne de RIG. Et ce soir, je vous propose la rétrospective de la saison 2022-2023.

mercredi 26 avril 2023, je vais vous présenter les duos impossibles. 29 duos virtuels de June Hallyday avec Elvis Presley, Kenny Rogers, Chuck Berry, Huey Lewis and the News, Joe Cocker, Bob Seger, les Beatles, etc., etc. Je vous rappelle le principe des duos impossibles. Je prends un titre, je sais pas. Admettons, je vais prendre une chanson des Beatles. Par exemple, Je l'aime. Je prends la version des Beatles. Je rajoute en même temps la voix de June Hallyday. Je prends soit la base musicale des Beatles ou de Johnny, et puis j'en fais un duo virtuel. Voilà, un chante en anglais, l'autre chante en français, et c'est ça qui est formidable. Et là, je vais vous proposer en duo virtuel un duo que j'aime beaucoup également. C'est le cœur du rock'n'roll et Hard Rock'n'Roll, interprété par Huey Lewis and the News. Et pour vous dire que cette émission, les duos impossibles, est la troisième émission la plus écoutée parmi tous les podcasts de la saison 2022-2023. Des fringues qui sortent de chez Metal Hurlant, le rock c'est la seule vraie dégaine. Y'a un nuage doré qui fredonne le venue, qui saute au-dessus de ma tête, et des cordes qui tintent comme les cheveux d'une star qui tire les fils de ma marionnette. They say the harder rock and roll is to be, and from what I've seen, I believe I'm. Something everyone should see. Neon lights and the pretty, pretty girls all dressed so scantily. When they play their music, that hard rock music, they thank it with a lot of flash. But it's still that same old backbeat rhythm that really, really kicks them in the. You say the count of rock and roll by Toujou. The kids all play for Interventions. Il te met le cœur au fond de la gorge, car le cœur du rock and roll, le cœur du rock and roll va encore. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, rock and roll. Wow. And a Baton Rouge. L'acier, le cuir, l'amour et le baston. Le rock, c'est un cri de détresse. Everywhere there's music, real life music. Bands with a million styles. Et des cordes de guitare comme les feux d'une star qui tire les fils de ma marionnette. They say the hard rock and roll is to be. And from what I see, I believe them. Il te met le cœur au fond de la gorge, car le cœur du rock and roll, le cœur du rock and roll là encore. In Cleveland, woo. Detroit, cœur du rock and roll, hard rock and roll. Et sur son titre, les cœurs de rock'n'roll, Hard Rock'n'Roll, on partait sur la base musicale de Huey Lewis and the News, et puis donc on a enlevé quelques passages de Huey pour mettre à la place des passages de John Hayday interprétant la version française de Hard of Rock'n'Roll. Émission suivante, la 518e, oulala, on approche de la fin de l'émission. Émission qui datait du 24 mai, waouh, un mois plus tard. Je vous proposais l'émission 518 avec l'album de la semaine en VO, en version originale, qui était sorti le en mars 1984, et je vous proposais de nouveaux duos impossibles et des titres Johnny chantant en anglais. Et là, Johnny anglicisait un titre de Alain Bachung, Vertige de l'amour, qui est devenu en 1984 Casualty of Love. Lors de l'émission 519, je vous présentais l'album de la semaine Hello Johnny. C'était le 31 mai 2023. L'album de la semaine Hello Johnny, le premier 33 tours 25 cm de John Hayday, sorti le 31 octobre 1960. Et en extrait, voici Souvenir Souvenir. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens de soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Souvenir des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. Et pourtant ça j'en suis certain, souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Et il y a 15 jours, je vous présentais l'émission 520 avec une émission radio spéciale Johnny de A à Z avec en extrait et en exclusivité les sorties de Johnny Hallyday du mois de juin 2023 avec des extraits du coffret de l'intégrale Parc des Princes 1993, des extraits de Toulouse 65 de la collection Johnny Archive Live et aussi de Lyon 1973. Ces deux-là, Toulouse 65 et Lyon 73, sortiront le 30 juin, c'est-à-dire en gros, ben voilà, ben oui, dans un peu plus d'une semaine, ils sortiront, vous pourrez les acheter, vous pourrez même déjà les commander aussi, et je vais vous en diffuser encore quelques extraits, enfin moins deux extraits ce soir. Il y avait aussi la participation de Jean-François Chenu, de Xavier Perrault et puis aussi de Jean-Étienne Lousse et de Geoffroy Dopta du studio Tone House. Xavier Perrault va répondre à une de mes questions et juste après on écoutera un extrait, ce sera le titre Je veux te graver dans ma vie, le duo que je ne pouvais pas vous diffuser en avant-première, je ne pouvais pas, non, Universal voulait les garder pour eux. Voilà, vous le gardez parce qu'il est sorti en single peu de temps avant la sortie du concert et même carrément du coffret Johnny au Parc des Princes 1993. On écoute Xavier Perrault qui répond à une de mes questions. Et donc ce travail sur le Parc des Princes, que je parle même au point de vue numérisation des bandes et tout ça, des bandes originales, ça a mis combien de temps? Depuis combien de temps vous avez pensé à faire ce projet-là? Et qui en a eu l'idée aussi? En fait, ce qui a déclenché ce projet-là, c'est qu'on ait retrouvé les multis. C'est-à-dire que quand on a retrouvé les multis, encore une fois, et là aussi c'est pareil, c'est un travail de l'ombre, mais à partir du moment où on a mes collègues documentalistes, l'équipe de Noël de Bayeul qui s'occupe de ça, a identifié les multis, qui étaient donc mal indexés dans nos archives, à partir de là, je savais qu'on pouvait complètement... c'était plus la même histoire, quoi. C'est-à-dire que là, on repartait d'un truc, de quelque chose auquel on allait pouvoir donner toute son ampleur, toute sa valeur. Les cartes étaient redistribuées, quoi. Je ne sais pas si on se serait lancé dans ce projet-là si on n'avait pas retrouvé les multis. Mais le fait de retrouver les multis, ça change tout, quoi. Ça change vraiment tout. Et donc, à partir de là, assez facilement, compte tenu de l'anniversaire de Johnny qui aurait eu 80 ans cette année... Mmh. Pour nous, il nous semblait évident qu'un tel concert aussi important dans sa carrière, que ce concert va lui permettre de passer un cap à Johnny. C'est-à-dire que ça diffuse. Enfin, ceux qui l'ont vécu à l'époque le savent, mais ceux qui ne l'ont pas vécu ne se rendent peut-être pas compte à quel point ça a été un événement, à quel point médiatiquement il a été. Relayé et tout ça, oui. Relayé en télé, la diffusion télé, bien évidemment, mais la presse, la radio, c'était enfin, énorme. C'était un événement absolument extraordinaire, ouais. qui a, je pense, fait passer un cap. Dans la carrière de Johnny, c'est vraiment un cap parce que je pense que il devient vraiment à ce moment-là un véritable, je sais pas comment dire ça, mais un monument pour moi. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. On va dire éternel sur le coup. Alors, comme on disait, c'est la décennie fabuleuse, les années 90. Oui, tout à fait. Et là aussi, c'est pareil. Par rapport à ça, ce concert est assez exceptionnel parce qu'il se déroule au Parc des Princes, quand même pas une enceinte dans laquelle on chante tous les jours. Aujourd'hui, ça paraît presque assez normal de chanter dans un stade. À l'époque, Johnny est le premier artiste français à le faire. Il passe juste après les Stones qui sont passés avant lui. Je sais. Mais pour l'équipe de Johnny qui travaille avec lui, l'équipe de Camus avec Bernard Schmitt, Roger Abriol, Jacques Rouvérolis, le Parc des Princes, faut le placer dans la continuité de ce que cette équipe, donc autour de Camus, Roger Abriol, Jacques Rouvérolis et Bernard Schmitt, ont fait avec Johnny. C'est-à-dire que Bercy 87, Bercy 90, 92, c'est une sorte de, si on regarde bien, c'est une rampe de lancement, quoi, en fait. C'est-à-dire que, à chaque fois, entre, quand on voit le concert de Bercy 87, quand on arrive à celui de 92, on voit déjà toute la progression qu'il y a dans la mise en scène, dans le choix des chansons, dans la setlist, le fait d'aller chercher des titres qui font partie du patrimoine de Johnny, de son répertoire des années 60, 70. Je veux te graver dans ma vie, ça va redevenir un single grâce à Bercy 92. C'est ça. Donc cette démarche-là, cette approche-là, on la retrouve, elle se concrétise aussi au Parc des Princes, où là, il survole à travers les différents medleys qu'on voit dans le concert toute sa carrière. Et je pense que pour réussir un tel pari artistiquement, techniquement, parce que chaque chanson est presque un petit film, c'est aussi grâce à cette confiance que Johnny avait avec cette équipe autour de Camus. Et c'est aussi l'expérience de cette équipe à travers Bercy 87, 90, 92 que le Parc des Princes va être une telle réussite. Oui, tout à fait. C'est une sorte d'apothéose. Voilà. Et oui, en quelque sorte, c'est tout bête, mais l'idée d'aller chercher le point du Zénith 84, si vous connaissez pas un peu la carrière de Johnny, si vous connaissez pas un petit peu, vous savez pas ces références-là, et l'équipe de Roger Abriol, Bernard Schmitt et Jacques Rouvérolis, ils ont ces références-là parce que Abriol et Rouvérolis sont avec Johnny depuis les années 70. Donc ils connaissent la carrière scénique de Johnny mieux que personne. Et Bernard Schmitt va emboîter le pas avec eux. C'est pas possible si vous faites appel à quelqu'un qui connaît pas ça. Là, l'avantage, c'est que non seulement ils ont la confiance de Johnny, mais en plus, ils connaissent la carrière scénique de Hallyday comme le fond de leur poche. Exactement. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est super. Et je pense que c'est ce qui permet au Parc des Princes d'être aussi abouti, d'être une telle apothéose. Et voici le duo John Hallyday et Sylvie Vartan, Je veux te graver dans ma vie, datant du 18 juin 1993. J'étais tout seul, je suis parti, je ne voulais pas m'arrêter. Là, une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Là, soudainement, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté à chaque instant. Tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très. Enfin, tu restes ici, je veux seulement t'éviter. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. J'aime bien courir, et quand tu viens, je te laisse. Là, si c'est sincère, je veux mourir si tu ne veux pas partir. Et si Vertan, je veux te graver de ma vie, qu'on attendait depuis 30 ans. Bon, il y en a qui n'attendaient pas. Merci à Sylvie d'être venue ce soir. Merci. C'est un beau cadeau. N'est-ce pas? C'est toujours formidable. Voilà. Bon, on m'a dévoilé que la voix de Sylvie a été auto-tunée. Voilà. Il fait chaud. Oui, il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud. Nous partons maintenant dans la collection Archive Live, Johnny Archive Live, et nous allons voir un extrait de Toulouse 65 et un extrait de Lyon 1973. Et on commence tout de suite avec le titre de Toulouse. Voici Ça fait mal, l'inédit, un des inédits de cet album live. Ça fait mal de te voir pleurer pour cette fille-là. Ça fait mal de te voir maltraité. Quand je te dis, elle n'est pas pour toi, mais quoi bon, tu ne me crois pas. Ça fait mal de voir pleurer un copain. Oublie-la, je t'en prie, renonce à l'aimer, carrément, souvent, tu le sais. Elle n'est pas pour toi, mais toi pour tu ne me crois pas. Ça fait mal quand je te vois pleurer comme ça. Toi tu l'aimes tant d'un amour si grand que pour elle, oh oui, oui, c'est un jeu. Ainsi maltraité, ami, laisse-moi te parler. J'ai beau crier, c'est insensé. Oui, je voulais crier. Non, toi, tu ne me crois pas. Pourtant, oui, un jour tu verras, mon ami, que j'avais raison. Cette fois-là. On va écouter tout de suite le studio Tone House avec Jean-Étienne Lousse et puis Geoffroy Doptin répondre à une de mes questions, si c'était simplement que de la restauration qu'on faisait sur ces archives live. Ouais, c'est de la restauration, c'est assez minutieux quoi. Mmh. On n'en fait pas tous les jours. Il y a peut-être un nettoyage à faire. Ouais, c'est ça. Bah, on sépare le son en plusieurs couches. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent de séparer la couche de voix, la couche de basse. Mmh. Ils arrivent à, tu sais, re-séparer, en fait. Oui, tout à fait, ouais. On détache toutes les pistes. Voilà, et avec la batterie, on retrigue les coups. Oui. Avec des sons de batterie. Des sons de batterie d'époque aussi. Et donc ça, c'est très long. Chaque coup de caisse claire, chaque coup de grosse caisse, c'est retrigué. C'est à la main, c'est à seconde main. Par seconde. Sans pour autant avoir un résultat exceptionnel, hein, tu vois, mais bon, mais ça permet de regagner un peu de précision, quoi. De dynamique et de sa personne. Pour retravailler la voix aussi, c'est très chronophage. Ouais, et puis tu peux séparer les choses avec ces logiciels, mais tu peux pas le faire non plus drastiquement parce que après, il y a des problèmes d'aliasing, tout ça, donc il faut. C'est un dosage, quoi. Il y a une limite et bon, faut se contenter de ce que tu arrives à avoir à la fin, mais c'est concrètement mieux. Mais effectivement, comme dit Jean, C'est plus frustrant que le mix, tu peux rapidement avoir un résultat que tu veux, ou peut-être. Exactement. Là, en fait, tu peux pas. Tu limites la casse, on va dire. Pour obtenir le résultat que tu veux. Pour moi, le gros intérêt de ces restaurations, c'est que les lives, ils sont bien, quoi. Il y a des lives qui sont vraiment. Bah, en termes d'énergie, tout ça, de chant, il envoie quoi, il envoyait vachement à cette époque-là. Toulouse, on entend Johnny, on entend beaucoup de réverb, beaucoup d'écho sur la voix de Johnny. Ouais. Et on entend surtout les percussions. Percussions, batterie, exactement. Piano, et les guitares, elles sont assez effacées, les guitares. Ouais, bah parce que pareil, en fait, on n'a pas de. On peut pas séparer les guitares des pianos, par exemple. Donc, ouais. On peut séparer la batterie de la basse et de la voix, mais après, c'est tout le reste, en fait. Donc on n'a pas d'équilibre, de changement, on peut pas changer les équilibres, pas trop. Ce qu'on a fait surtout, c'est mis la batterie un peu plus fort. Alors les percussions, on est malheureusement tributaire aussi du mix qu'ils ont fait à l'époque. Mm-hmm. Et il y a un live aussi où il est dérangé tout le temps, je sais plus quel c'est. C'est le lion, il y a des tubes. C'est lui de ouais, lion. Ouais, ça, des mecs qui montent tout le temps sur scène, disant qu'il est à deux doigts de se vénérer. Le truc que je trouve cool, c'est vraiment l'énergie, l'énergie du groupe quoi derrière. Ça. Les concerts sont bien. Ouais, il était jeune, ça m'a envoyé quoi. Et ça, vous voyez, oui. Et vous aurez tous un droit le 30 juin. Le rendez-vous, 30 juin, vous pourrez voir Toulouse 65 et ainsi que ce concert qu'on écoute en extrait de Lyon du 14 avril 1973 avec Tu peux partir si tu le veux. Vous allez comprendre un peu. Si vous ne le connaissez pas, vous allez entendre Johnny s'énerver, dire à la foule de se calmer, sinon il arrête de chanter. Ce n'est pas la peine de se déchirer. Se partir, de se pardonner, comme à chaque fois, on se fait du mal pour rien, et puis on se recherche sur rien, on se fuit. Tu peux partir si tu le veux, mais je te suivrai, oui, je te suivrai. Tu peux partir si tu le veux. Chacun que l'amour était loin, alors qu'il vivait en nous, tu ouvrais au creux de nos mains. Oubliez ces visages étrangers, où tu es, j'irai te rechercher. Tu peux partir si tu le veux, et je te suivrai, oui je te suivrai. Tu le veux, mais je te suivrai, oui je te suivrai. Ainsi s'achève cette émission, la rétrospective de la saison 2022-2023 de l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG. Je remercie toutes et tous d'avoir passé une saison encore avec moi. Et je vous donne rendez-vous encore le 6 septembre 2023 pour une nouvelle saison de Johnny de A à Z ici sur RIG. Et je vous remercie, merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité indéfectible. Voilà, je suis heureux de vous avoir en tant qu'auditeur auditrice de cette émission Johnny de A à Z. On se donne rendez-vous donc très vite. Moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je crois qu'il y aura une émission Salut les bronzés pour le mois d'août de cette année. Ouais, avec une nouvelle version. Voilà. Merci encore à tous. À très bientôt. Ciao.